Chapitre 61e. Une victoire bien méritée. Dutilleul était décontracté quand il reprit le travail la semaine suivante. Ces quelques jours lui avaient fait un bien infini. Il avait bien dormi, s'était beaucoup reposé. Il avait même lu un très bon polar suédois. Il était encore très tôt et Dutilleul s'apprêtait à mettre l'eau à chauffer quand Henri Castex entra dans son bureau sans s'être fait annoncer. Il avait dû arriver un peu avant lui puisqu'il l'était déjà débarrassé de son sempiternel par-dessus. Dutilleul sentit immédiatement qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Il avait un petit air satisfait qui ne trompait pas. « Salut Titi, tu as bonne mine, cela fait plaisir. » « Rien de mieux que l'océan pour requinquer son homme. »« Ça, et les bons offices de Dame Madou. Comment va-t-elle »« Très bien. »« Elle a nagé comme un poisson et a fait honneur à la cuisine locale. » Je crois que cette pause était la bienvenue pour tous les deux. En parlant de faire honneur, je crois que tu vas devoir renoncer à ton thé. Toi, tu ressembles à un gros chat devant un bon pot de crème bien grasse. Crois-tu que je n'ai pas remarqué ton petit air satisfait? C'est que Titi, crois-moi, y a de quoi. Raconte-moi. D'accord, mais devant un bon café crème et des croissants, que tu vas m'offrir. Très bien, je te suis, mais il faut vraiment que la nouvelle soit d'importance. On peut dire qu'elle l'est. Les deux hommes s'installèrent et Dutilleul put enfin cuisiner Henri Castex, qui ne demandait pas mieux. Dutilleul profita du fait que son chef attaquait son deuxième croissant pour ouvrir les hostilités. « Puisque te voici momentanément hors d'état de répondre, je vais essayer de deviner cette fameuse nouvelle qui te rend si guilleret. À ton air de coq, je ne serais pas surpris que cela concerne un certain sieur Ossinmani. Je chauffe. » Henri Castex acquiesça du regard. Il est vrai que ton irruption inopinée ne m'a pas permis de jeter le moindre regard sur les messages tombés en mon absence. Et tel que je te connais, cela n'est pas complètement dû au hasard. Henri Castex, qui avait enfin avalé son morceau de croissant, put alors intervenir. Je vois que le fait ne t'a pas échappé. J'aime ça. Car cela veut dire que l'esprit est affûté comme jamais. Merci. Tu sais également que je répugne à écouter les nouvelles lorsque je suis en congé. Cependant, je n'en ai pas moins acheté le journal et je me dois de te signaler que l'Algérie n'a pas fait les gros titres ces derniers temps. Il n'a été fait mention nulle part d'une quelconque nouvelle fâcherie entre nos deux pays. Ce que tu causes bien, Titi, mais vas-y, continue. Je subodore donc qu'Alger n'a toujours pas autorisé la demande d'extradition du sieur Ossinmani. À la réflexion, il aurait sans doute mieux valu pour lui. Ta réaction m'indique qu'il s'est passé quelque chose et j'inclinerai à penser que c'est grave. Il a dérapé sur un couteau, n'est-ce pas? Comment as-tu compris si vite? Demanda Henri Castex, sincèrement surpris. Peu importe, c'est sérieux. Oui, assez, d'après ce que j'ai pu savoir. Il est même question de l'opérer, à Paris. Soudain, toute la joie de Dutilleul retomba. Où cela s'est-il produit? Comme cela se produit trop souvent, il a été attiré dans un quartier à la périphérie d'Alger, une ruelle bien à l'abri des regards. Tout est visiblement allé très vite et bien sûr personne n'a rien vu ni entendu. Qui a donné l'alerte? Son employeur quand il ne l'a pas vu revenir. Mais si tu veux mon avis, il a bien pris son temps. Ce qui veut dire... Eh bien, je trouve plutôt étrange qu'il n'ait donné l'alerte qu'en toute fin de journée. Alors que l'enquête a établi qu'il avait une réunion avec son collaborateur à 14h30. Tu penses qu'on a pu lui demander de ne pas se presser? J'inclinerais effectivement à le croire et c'est ce que pense également mon homologue algérien qui m'a tout de suite prévenu. D'où vient le coup? De Malik Boucharif? Non, je ne crois pas, même si ce n'est pas l'envie qui lui manquait. Cependant, même s'il a pu te l'affirmer haut et fort, il n'a pas les connexions nécessaires sur place. De plus... Je dois te faire part d'un fait plutôt troublant. Les sœurs et la mère de Ossinmani ne sont pas venues le voir à l'hôpital. Dans son état, les visites sont certainement interdites, surtout s'il relève d'une agression. Peut-être. Mais cela n'explique pas pourquoi elles n'ont demandé de nouvelles et surtout pourquoi elles ont fait leur paquet. Elles sont retournées au bled. Personne ne les y a vues. Tu penses que quelqu'un les a informées du meurtre? J'en mettrai ma main à couper, Titi. Maintenant, de là à savoir qui... Nous n'avons que l'embarras du choix. Dutilleul réfléchissait à voix haute. En fait, pas tant que cela. À vrai dire, je ne vois que deux personnes, Brahim ou bien... Cependant, comme tu l'as dit toi-même, tout à l'heure, je ne pense pas que Brahim connaisse suffisamment bien le bled pour mener une telle opération. Il n'y a pas vécu et de plus, il a tourné le dos à tout cela. Si l'agression s'était produite à Paris, je ne dis pas. Il aurait pu être notre homme, car il jouait très bien du couteau, mais à Alger... Alors ? Alors ? Ne reste qu'un seul client en piste, Saïd Boucharif. Nous arrivons donc à la même conclusion. Hélas. Saïd Boucharif, qui n'a pas fait punir Hossine Mani pour le meurtre de Marion Chardy, dont il n'avait que faire, mais bien pour l'emprisonnement de son fils Malik. Même si le garçon ne vaut pas grand-chose, il ne pouvait pas laisser l'affront impuni. C'est sans doute pour cela qu'il ne l'a pas fait tuer. Il voulait que lui aussi connaisse l'enfer, mais sous une autre forme. C'est certainement lui qui avertit sa belle-sœur de ce que son fils chéri avait fait. C'est sans doute pour cela qu'elles ont choisi de fuir avant que tout le bled ne l'apprenne et que l'opprobre ne retombe sur elles, pauvres innocentes, qui vont payer un tribut bien lourd. J'imagine que Malik Boucharif a lâché le morceau lors d'une des visites de son père. Celui-ci a dû le prendre d'autant plus mal qu'il considérait vraiment Hossine Mani comme son fils spirituel. Il était bien plus proche de lui que de ses autres fils. Il en était si fier. Il représentait tout ce qu'il aurait voulu pour ses propres enfants. Quand il a soudain compris toute l'étendue de la trahison de Hossine Mani, il n'a dû avoir plus qu'une idée en tête, lui faire payer le prix fort. Henri Castex eut alors un air profondément navré. L'heure n'était plus à la fanfaronnade. Oui, c'est tout à fait cela, et c'est là que je dois te confesser que j'ai commis une grosse erreur, Titi. On m'avait averti que Saïd Boucharif cherchait à se renseigner sur l'affaire. Mais je n'y ai pas porté toute l'attention nécessaire. Bon, il ne faut pas trop t'en vouloir. L'affaire était pliée, puisque Malik Boucharif aurait bien fini par cracher le morceau un jour ou l'autre. Il n'y avait pas de solution acceptable à cette affaire. Je savais pertinemment que cela pouvait finir ainsi. Dans un certain sens, la mort de Marion Chardy est vengée, dit tristement Henri Castex. Oui, mais par défaut. Ce qui n'est pas satisfaisant. Tout se passe comme si sa vie n'avait eu aucune importance et l'acte de Saïd Boucharif ne rend même pas justice à qui elle était. Une jeune fille pleine d'avenir, qui a eu le malheur de faire une mauvaise rencontre. L'agression de Hossine Mani ne me console en rien, Henri, car qui rendra justice à Marion Chardy et surtout quand? C'est là où tu te trompes, Titi. Je ne vois pas. Mais si, voyons. Sans en avoir conscience, Saïd Boucharif nous a redonné la main sur Hossine Mani. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Alger n'est pas en mesure de pratiquer l'opération dont a besoin Hossine Mani pour survivre à ses blessures. Il faut donc le transférer à Paris. Tu veux dire que... Oui. Mon homologue algérien, avec qui j'entretiens d'excellents rapports, m'a très discrètement communiqué la date du rapatriement, et laisse-moi te dire qu'il est plutôt soulagé d'être débarrassé du sieur Hossine Mani. Entre toi et moi, les autorités étaient franchement mal à l'aise. Quand sera-t-il transféré? Quand a-t-il été transféré, veux-tu dire? Car ces affaires-là ne peuvent pas attendre. Eh bien, je suis allé cueillir notre oiseau à sa descente d'avion jeudi dernier, pendant que tu comptais gentiment Fleurette Amado. Dutilleul ne pouvait qu'admirer son chef, car, pour sûr, il lui avait joué un bon tour. Tu t'es surtout bien gardé de me prévenir, vieux saligaud. « Effectivement. Tu ne voulais pas me priver de triompher de toi à si bon compte. J'ai fait en sorte que rien ne transpire dans la presse afin de ne pas te donner l'éveil, car tu aurais aussi te rappliquer ventre à terre alors même que je t'avais ordonné de te mettre au vert. Décidément, tu ne recules devant rien. Où est notre oiseau à présent? À l'infirmerie de Fresnes. Et si mes renseignements sont exacts, il devrait y rester un certain temps. » Saïd Boucharif en a pour son argent, c'est une sale blessure. A-t-il parlé? Hossine Mani? Bien sûr, le garçon ne regrette rien. Selon lui, le meurtre de Marion Chardy était un mal nécessaire. Écœurant, pauvre gamine. Qu'en est-il des poursuites engagées contre Saïd Boucharif? Il n'y en aura pas, car même si nous pourrions y parvenir assez facilement, j'ai fait valoir que c'était avant tout une affaire algérienne, dans laquelle nous n'avions pas lieu de nous immiscer. Le ministre ne pouvait que m'approuver. Alger n'a donc rien dit quand vous avez appréhendé son ressortissant à la descente d'avion? Curieusement, non. Nous n'avons même pas essuyé les protestations d'usage. Personne ne s'est présenté pour assister au Hossine Mani. Je comprends à présent pourquoi tu es fier comme un paon. Joli travail. C'est indéniable. Tu as marqué des points même si c'était de façon un peu détournée. Mais je me montrerai beau joueur car je suis content que l'assassin de Marion soit jugé. En parlant de joueur et de points, tu as un tennis samedi. Le cours est réservé à partir de 10 heures. Dutilleul était assez heureux puisqu'il venait une fois encore de battre Michonnier à plate couture. Tout juste avait-il condescendu à ce que celui-ci marque 2 jeux afin que l'humiliation ne fût pas totale. Dutilleul devait reconnaître que Michonnier avait bien joué, mais il avait encore de la marge. Le mariage d'Agathe Michonnier s'était déroulé dans une ambiance bon enfant. Dutilleul en avait été l'attraction, bien involontaire. La noce avait eu lieu sur un week-end entier. C'était une fête sans prétention au nombre d'invités restreints. En dépit de son anglais scolaire et quelque peu laborieux, Dutilleul avait bien sympathisé avec le marié, un grand garçon simple. Il avait échangé quelques balles de tennis avec lui, et il devait admettre que le garçon se débrouillait bien, voire même très bien, avantage que Michonnier ne tarderait sans doute pas à exploiter. Les deux hommes étant sensiblement de la même taille, il serait beaucoup moins facile de faire de ces lobes qui faisaient tant enrager son ami. Ils avaient des jeux assez semblables, sauf que Dutilleul s'aventurait plus souvent au filet. Les matchs futurs risquaient de se corser. Michonnier allait peut-être enfin avoir sa revanche.